Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 47e épisode de Geekorama. Okay. Mon nom est Dominique Jean et j'aimerais juste faire un mini shout-out à mes amis de Raven Software parce que c'est eux autres qui ont développé Xen en passant que je parlais dans l'autre épisode. Tu sais, j'ai beaucoup donné de props à id Software, mais Raven Software, I love you guys so much. Ok. Ouais, fait que 47e épisode, les amis. Hey, Super Meat Boy. Un de mes jeux indie favoris, vraiment, là. C'est vraiment un excellent jeu développé par nos amis de Team Meat. Et d'ailleurs, notre ami, j'aime vraiment beaucoup la musique, d'ailleurs, de Danny Baranowski. C'est ça, Danny Baranowski? Oui, c'est ça. Fait que Danny Baranowski, le compositeur qui a fait de la crise de bonne musique pour ce jeu-là, c'est débile à quel point c'est vraiment bon. Super Meat Boy, c'est vraiment un excellent jeu. C'est vraiment un bon platformer. Relativement difficile, par contre, mais il y a quand même une bonne courbe de difficulté malgré tout, là. Mais passer le jeu d'une manière, disons, normale, tu sais, de le faire juste sans tout faire, là, c'est quand même, ça se fait relativement bien, même si c'est quand même difficile, mais si tu veux le faire à 100%, là, ça se complique un peu, ce que j'essaie de faire, là, j'ai 40 heures de mise sur le jeu, mais tu sais, je le fais vraiment de temps en temps par temps perdu, là, parce que je l'ai installé, ça fait plusieurs années, mais je m'en viens bien. Par contre, je vous avertis tout de suite, je ferai pas tous les achievements, parce que ceux qui le savent, puis de toute façon, il s'agit d'aller regarder la liste des achievements, puis c'est, il y a des achievements de fou, comme genre pas mourir pendant un chapitre au complet, t'sais, faire le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 sans mourir. Ça, je ferais pas ça, je vous avertis tout de suite, mais le faire à 100%, peut-être, ça me tente, je suis bien parti, je pense que j'ai 90% de fait au total. C'est malade, vraiment Super Meat Boy, c'est un peu comme le Dark Souls, je dirais, des platformers, là. C'est dur, mais c'est addictif, parce que ce qui est le fun dans ce Christy jeu là, c'est quand tu meurs, tu respawns tout de suite. Fait que tu sais, t'as pas le temps de te tanner du maudit loading. Fait que tu meurs, oh, c'est pas grave, je vais recommencer, oh, c'est pas grave, je vais recommencer. Fait que tu te tannes pas, puis c'est ça qui est le fun, ça c'est vraiment plaisant, puis la musique là, c'est hallucinant. C'est vraiment dans mon top, là. La musique de ce jeu là, c'est fou raide, j'adore ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que non, tiens. Ouais. Fait que bloc 1, les amis, on y va avec, oh ouais, Forest Funk, Chapter 1, Light World. J'adore ce tune-là, c'est vraiment une belle introduction, là, c'est du jeu, là, c'est vraiment le t'entends ça carrément, là, dans le monde 1 au complet, là, c'est vraiment débile, là, qu'il n'y a pas ces autres Forest Funk. Après ça, Ballad of the Burning Squirrel. Chapter 1, Dark World. Ça, dans le fond, le Dark World, c'est comme quand tu réussis à faire un stage, tu réussis à avoir le A+. Le A+, c'est comme une espèce de comment je dirais ça? C'est comme avoir le bon temps. Exemple, je finis le tableau en 15 secondes, ben là, je vais avoir A+. Puis là, après ça, une fois que j'ai le A+ dans le tableau, ben là, je peux aller dans le Dark World puis faire le tableau dans la version Dark World, qui est comme une version plus difficile du tableau. Puis après ça, on a The Battle of Little Slugger, Chapter 1 Boss Extended Cut. Il y a deux versions. L'autre, j'ai mis cette version-là parce qu'elle est plus longue, c'est comme la version vraiment complète. L'autre que j'ai, c'est comme une version, vraiment la version, je dirais, là, du jeu original. C'est vraiment quand tu joues la version du boss, elle est comme coupée, je pense, de moitié. Fait que celle-là, c'est la version complète, puis qui est pas mal meilleure. Fait que, bloc 1, les amis! We'll be right back. Bang! Block 2, boys! Alright, au bloc 2, on a Betus Blues, Chapter 2, Light World. Après ça, on a Chad's Broken Wind. Ça là, je l'adore, c'est la musique du Dark World, juste débile mental. Une de mes préférées. Et après ça, et on a la tune du boss, Chad's Lullaby. Bonne écoute! We'll be right back. Boom! Bloc 3. On a, au bloc 3, on a Candle of Salt, Chapter 3, Light World. Après ça, on a Rocket Rider, la toune du Dark World. Et on a Fast Track to Brown Town. C'est que ça sonne wrong, ça, c'est Brown Town, c'est l'enfer. La toune du boss. Bonne écoute. bloc numéro 4. Au bloc 4, on a Hot Damn Chapter... Ah, oh, c'est ça. Hot Damn Chapter 4. 4. 4. 4. Light World. Après ça, on a Devil and Bass. Chapter 4. Dark World. Et on a la toune du boss qui est Meat Golem. Puis dans ce jeu-là, c'est des boss, c'est pas, mettons, comme la... Souvent des boss dans les jeux vidéo, c'est... T'évites son pattern, tu le touches trois fois, après ça, bang, c'est fini. Mais dans ce jeu-là, t'as pas d'attaque. Fait que, tu sais, tout ce que tu fais, c'est sauter puis courir. Fait que, faut que t'évites les attaques des boss. Fait que, jusqu'au moment où eux autres, ils font... Je pense qu'il y a des boss qui se font mal littéralement eux autres même. Pendant quelques fois où il y en a que faut que tu te rendes à la fin. Puis c'est là qu'il meurt, faut que tu fasses une certaine séquence. Je me rappelle plus trop exactement les boss. Mais sont pas nécessairement faciles, mais sont cool les boss, sont vraiment hot. Fait que bloc 4. bloc numéro 5. Et en passant, il va avoir 8 blocs dans cet épisode-là. Je sais qu'on est rendu au bloc 5, là. J'aurais peut-être pu le dire avant. D'accord, j'aurais pu le dire avant, c'est pas grave. Mais c'est ça. Honnêtement, je pensais faire 2 ou 3 parties dans cet épisode-là. Parce que je regarde sur MyTunes, puis j'ai comme 80 tracks, mais... Faut pas se fier à ça parce que là-dedans il y a beaucoup de remix qui sont quand même bons pour la plupart, mais je me suis dit je vais me concentrer vraiment sur la track principale du jeu parce que faire 2-3 parties ça aurait fait du stock. Puis les remix, il y en a des bons, il y en a des moins bons, puis il y a beaucoup de jingles aussi là, tu sais, des tunes qui se mettent en background. Fait que finalement j'ai dit ok, je vais faire plus de blocs un petit peu, je vais me rendre à 8, puis je vais condenser ça en un épisode parce que ça aurait plus de fin sinon, ça serait vraiment trop long. Fait que tu sais, c'est ça, tiens. Qu'est-ce qu'on a au bloc numéro 5? Ok. On a It Ends, Chapter 5, Light World. Après ça, on a Dr. Fetus. Oui, c'est un fœtus. Dr. Fetus Castle, Chapter 5, ouais. Le Dark World. Celle-là est vraiment bonne, ça, cette track-là. Dr. Fetus Castle est malade mental. Après ça, on a Larry's Lament, qui est le boss. Bonne écoute. We'll be right back. Hey, bloc numéro 6, les amis. Et au bloc 6, on a It Ends 2 and Harder, chapter 6 levels. Ouais, c'est la toune. La toune des stages du 6e chapitre. Et après ça, on a, hey boy, Carmiti Burana, la toune du boss qui est Dr. Fetus. Et après ça, on a Escape, bitches. Ouais. Fait que bloc 6, wouhou! Hey, bloc numéro 7. Fait que là, au bloc 7, on tombe dans le rétro, les amis. Ouais, fait que les thèmes rétro, on a Forest Funk rétro. Après ça, on a Betus Blues rétro. Et Can O Salt rétro. Qui, dans le fond, ça, c'est les. C'est les chapitres 1, 2, 3, là. C'est les Warp Zones. Et les Warp Zones, c'est des. C'est comme des stages, des special stages que tu peux trouver. Dans les chapitres, il y en a deux ou trois des Warp Zones par chapitre environ, ça dépend laquelle. Je pense qu'il y en a qui en a moins, bref. Puis eux autres, il y en a quelques-uns. Puis dans les stages en question, faut que tu te dépêches d'aller les chercher parce que sinon ils disparaissent. Il faut vraiment que tu te grouilles pour aller les chercher. Puis des fois, c'est pas nécessairement évident. Puis une fois que tu rentres dedans, ça fait Warp Zone. Puis là, tu te ramasses dans une espèce de stage rétro un peu avec. En fait, t'as trois stages, je pense, dans le Warp Zone. Puis t'as des vies. Fait que c'est tough, en plus d'être difficile, là t'as des vies. Mais ce qui est cool, c'est admettons que tu réussis à faire le premier stage du Warp Zone, là t'en retrouves tes vies. Fait que ça, c'est cool. Mais ce qui est un autre, il y a un autre challenge là-dedans aussi, si tu le fais à 100% comme je fais, t'as des bandages à aller chercher dans certains niveaux. Puis il y en a aussi, ça inclut les Warp Zones parce qu'il y en a un peu partout dans le jeu. Puis les bandages sont pas nécessairement évidents à aller chercher. Fait que donc ça rajoute encore du challenge, mais non, c'est cool, les Warp Zones, c'est un bel ajout. Puis aussi, les Warp Zones, il y a certains, c'est pas nécessairement tout le temps des trois stages avec trois vies, là, mais il y en a que c'est vraiment, c'est un personnage en fait. Tu vas arriver dans le Warp Zone, puis tu vas contrôler un certain personnage, des fois, de d'autres jeux indie. C'est ça qui est cool, t'as entre autres le personnage de... c'est quoi, c'est 8 Bits Runner, là, l'espèce de bonhomme noir là, qui saute, là, puis tu fais de la musique. Là. T'as, entre autres, ce personnage-là, puis là, tu fais son tableau, tu le contrôles, t'as trois tableaux à faire avec lui, puis ce qui est cool, c'est que t'as infini de vie dans ça. Fait que c'est plaisant parce que t'as des stages à faire avec. Moi, j'ai débloqué un personnage qui s'appelle The Kid, je pense qu'il s'appelle. Puis le tableau, c'est des tableaux, ça n'a aucun sens. Ça, c'est 95% du tableau, c'est des piquants partout, puis c'est débile à quel point ça prend un bon timing. Là. Mais non, les Warp Zones, c'est vraiment nice. Puis la musique rétro, ça ajoute vraiment une petite touche là, de vraiment awesome. Là, c'est vraiment cool. Fait que bloc 7, les amis. Boum, on est rendu au bloc final, le bloc numéro 8. Avant d'entamer les tracks, j'aimerais ça spécifier un peu des affaires concernant le Warp Zone. Les Warp Zones, ce qui est cool, c'est qu'une fois que t'es pogne, ils restent là. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de les harponner pour de refaire le tableau puis de repogner le Warp Zone, tu sais, puis de refaire les trois autres stages dans le Warp Zone. Non, tu pognes le Warp Zone après ça. Tu peux le faire tant que tu veux, ça c'est vraiment cool. Puis aussi, je parlais de personnages tantôt aussi, des personnages spéciaux que tu peux contrôler. Une fois, parce que les personnages des spéciaux que tu peux débloquer, tu peux les débloquer soit en accumulant des bandages. Puis je pense que des bandages, il y en a 100 au total. Et tu peux t'en débloquer, tu débloques un personnage quand tu t'accumules 10 bandages. Et ensuite de ça, aussi tu peux débloquer les personnages justement dans le Warp Zone. Il y a des personnages qui sont uniquement disponibles dans les Warp Zones. Puis ce qui est cool, c'est que chaque personnage a ses propres caractéristiques. Il y en a qui peuvent sauter deux fois, il y en a qui peuvent voler aussi. Fait que ça c'est cool. Puis des fois il y a des personnages qui font bien pour compléter certains tableaux. Par contre, tu peux pas compléter les Warp Zones, faire d'autres Warp Zones avec les personnages spéciaux. Là. Fait que. Ça ferait bien parce que des fois je vous dirais que ça faciliterait les choses, mais coudonc, on le fait avec Meat Boy, ça se fait aussi, mais c'est vraiment tough. Mais quoi qu'il en soit, fait que bloc 8 les amis, on a Hot Damn Retro Chapter 4 Warp Zone. Après ça on a It Ends Retro Chapter 5 Warp Zone et on a It Ends With a Whimper. Bonne écoute. Thank you. Hey, c'est ce qui termine l'épisode 47 de Geekorama, les amis. Super Meat Boy, c'est un jeu que je chéris beaucoup. Vraiment, les indies, des fois, ils nous pondent des jeux vraiment malades mentales. Props d'ailleurs à Team Meat et à la musique pour Danny Baranowski. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Ça fait vraiment partie, je pense, de mon top à vie. Puis la soundtrack aussi, parce que c'est juste trop, trop débile. Et parlant de soundtrack, si vous la voulez, vous la procurer, moi j'ai la version, la Digital Special Edition Soundtrack. Moi je l'ai eu dans un Game Music Bundle, je crois, à l'époque. Puis je l'avais eu vraiment pas cher parce qu'il y avait d'autres jeux avec, vraiment cool aussi. Mais vous pouvez vous la procurer sur Bandcamp pour 5,99 US. Fait que c'est à, mettons 8-9$ canadiens. Ou sinon, si vous voulez l'édition régulière, elle est à 2,99 US pour un, mettons, 4-5$ canadien. Puis je dirais, là, à moins que vous vouliez vraiment les bonus, là, la version régulière, quant à moi, vaut amplement la peine. Là, vous avez 34 tonnes dans la version régulière, puis vous avez 80 dans l'édition spéciale. Mais la différence, c'est que dans l'édition spéciale, c'est vraiment... c'est pas nécessairement là, plein de tonnes bonus, là, c'est genre des affaires de cutscenes, des jingles, c'est des affaires de vraiment de quelques secondes, des fois là, 30 secondes, 10 secondes, des affaires un peu plus longues aussi. Mais honnêtement, avoir acheté une version aujourd'hui, je pense que j'aurais acheté la version régulière. Mais pour le show, dans un sens, je suis content d'avoir acheté le bundle à l'époque parce que ça me paye, t'sais, je vais avoir de la musique de fond, là, des jingles, je vais les mettre en background, fait que pour ça c'est cool. Mais honnêtement, les deux versions, vous allez être satisfait. Si vous voulez les bonus, pognez l'édition spéciale. Sinon, avec l'autre, ça va être bien correct aussi. Puis, tu sais, c'est pas cher. Puis, c'est de la Christie de bonne musique, on s'entend. Fait que c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Au revoir.